Sur les strates du passé, superposant des accords, plus ou moins d'accord sur les accords, thank you. brother man. Money is a woman. Money is a woman. Thank you. Thank you. principale. Devant le triomphe de cette civilisation, nous sommes présents. Le paradis terrestre. donne-moi ta main. Donne-moi ta main. La puissance de la techno. Volcan, réactif, pas moyen. Dans les trois jours, voilà le tac tac tac de la police qui revient à l'attaque. Impossible de rester tranquille, tranquille, posé dans un meublé. Yeah. Dream. What's that move?